Fable de Jean de La Fontaine. Livre 4. Le loup, la mère et l'enfant. Ce loup me remet en mémoire un de ses compagnons qui fut encore mieux pris. Il y périt. Voici l'histoire. Un villageois avait à l'écart son logis. Messer Loup attendait Chapechute à la porte. Il avait vu sortir gibier de toutes sortes, veaux de lait, agneaux et brebis, régiments de dindons, enfin bonne provende. Le larron commençait pourtant à s'ennuyer. Il entend un enfant crier. La mère aussitôt le gourmande, le menace, il ne se tait de le donner au loup. L'animal se tient prêt, remerciant les dieux d'une telle aventure, quand la mère, apaisant sa chère géniture, lui dit « Ne criez point, s'il vient, nous le tuerons. » « Qu'est-ce si ? » s'écria le mangeur de moutons. « Dire d'un, puis d'un autre ? Est-ce ainsi que l'on traite les gens faits comme moi ? Me prend-on pour un sot ? » ?»« Que quelques jours ce beau marmot vienne au bois cueillir la noisette. » Comme il disait ces mots, on sort de la maison. Un chien de cour l'arrête, épieuse et fourche fière l'ajuste de toute manière. « Que veniez-vous chercher en ce lieu ? » lui dit-on. Aussitôt il compta l'affaire. « Merci de moi, lui dit la mère, tu mangeras mon fils. L'ai-je fait à dessein qu'il assouvisse un jour ta faim ?» On assomme la pauvre bête. Un manant lui coupa le pied droit et la tête. Le seigneur du village à sa porte les mit, et ce dicton picard à l'entour fut écrit. « Bio chirlope, n'écoutez mi, mère tanche un fieu qui crie. »